et la magnotille, le duc se penchera pour recevoir l'hostie. Mon fils! Pendant cette minute, où rien ne peut faire tourner la tête d'un chrétien, j'ouvrirai doucement la porte et que personne ne bouge à ce moment. Thank you. Mais alors l'empereur, avant qu'on ne rendît l'enfant à sa nourrice, le prit entre les bras de... l'impératrice. Le Te Deum emplit le vaste sanctuaire. Et le soir, dans la France tout entière, avec la même pompe, avec le même élan, son uniforme blanc.